Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre avec le terrorisme, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a ces 3 jours de janvier 2015 où des terroristes ont assassiné 17 personnes en France au sein du journal Charlie Hebdo, parmi les forces de l'ordre et dans un hypermarché cachère. Ils ont précédé les attentats de novembre à Paris et Saint-Denis qui ont fait 130 morts, les 86 morts de Nice, les 5 de Strasbourg, et nos vies ont été changées. Alors il faut écouter les survivants. Alors pour commencer, les personnages. Un fan de rock au tapis, une rockeuse en arrêt, des psychiatres et des psychologues et 2 auteurs de bandes dessinées qui couchent leurs idées noires. Ensuite le décor, des combles salvateurs, une scène de crime, une voiture, de l'aide, du temps, la culpabilité, le traumatisme et la survie, des envies suicidaires et la vie de tous les jours. Aujourd'hui, premier épisode, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 13 novembre. Vivre avec le terrorisme, les mots des survivants, par Séverine Cassard et Alain Lefkovitch. Depuis quelques jours, la présence policière s'était renforcée devant l'école juive de la rue Saint-Maur, tandis que les militaires de la mission Sentinelle, mis en place après les attentats de janvier contre la rédaction de Charlie, l'hypercachère de la porte de Vincennes et Montrouge, se faisaient plus présents dans mon quartier. Ce vendredi 13 novembre 2015, la météo était clémente et il régnait une certaine douceur autant qu'une atmosphère étrange. Un ami m'avait même dit qu'il sentait que quelque chose allait se passer, sans savoir quoi exactement. À 21h, j'avais rendez-vous avec lui au restaurant Le Petit Cambodge, à quelques 300 mètres de chez moi. Pris d'un fort mal de tête et compte tenu du bruit qui règne dans cette petite cantine surpeuplée, je décide de bifurquer vers Belleville et laisse un message à cet ami pour changer le lieu de rendez-vous. Il est injoignable. Je m'attable dans un restaurant vietnamien quand mon téléphone sonne. C'est lui, cet ami, en panique, qui me demande où je suis. Le Petit Cambodge et le Carillon, le café d'en face, ont été mitraillés. 15 personnes y ont perdu la vie. Lui, il est coincé aux alentours du Bataclan, qui vient de subir également une attaque. Ce que vous allez entendre y était, où y avait un proche, fan de rock et des Eagles of Death Metal, qui s'y produisait pour la plus grande joie des 1500 personnes présentes ce soir-là. 3 djihadistes de Daesh venaient d'y faire un carnage. 90 morts. Au Stade de France de Saint-Denis, rue de Charonne, près de la Belle Équipe, au restaurant Casa Nostra, à la Bonne Bière, au Paname et boulevard Voltaire, 8 terroristes organisés en 3 commandos ont provoqué la mort de 130 personnes et fait des centaines de blessés. Pour Émilie, Nicolas, Catherine et Fred, enfermés au Bataclan, c'est sans doute le hasard, la chance, le destin qui, ce 13 novembre 2015, les a sauvés. Je m'appelle Nicolas, j'ai 39 ans, je suis fonctionnaire, fan de rock depuis quasiment tout gamin, et je suis marié à Émilie. Moi je suis Émilie, j'ai 39 ans également, sans emploi, j'étais secrétaire avant. Et je suis aussi fan de rock depuis que j'ai 10 ans, on va dire, depuis que mon frère m'a éduqué musicalement. Et Nico m'a renforcé dans cet esprit rock. D'où votre présence le 13 novembre au Bataclan ? Oui, moi je suivais depuis très longtemps les Eagles of Death Metal. J'avais jamais eu l'occasion de les voir. Et effectivement, dès qu'on a su qu'ils venaient sur Paris, on a pris nos billets très vite. Pour nous, c'était vraiment une super occasion de les voir. Moi encore la veille du concert, je me suis dit ouais, est-ce qu'on va y aller ? J'ai un peu la flemme, je suis fatiguée, c'était un vendredi soir. Va-t-on y aller ? Alors c'était il y a bientôt 4 ans, est-ce que je peux vous demander comment vous allez ? Moi personnellement, j'ai tenu le choc pendant 2 ans. Les premiers mois c'était très compliqué, mais je me sentais de mieux en mieux dans ma tête. Et depuis c'est très compliqué puisque j'enchaîne des périodes fréquente d'arrêt dû à une condition psychologique qui est compliquée. Moi, c'est au deuxième anniversaire que ça s'est dégradé parce que on n'avance pas. On a toujours cette tristesse, cette colère, cette rage. Et je ne travaille plus depuis. Je suis en ALD jusqu'en janvier 2023. Arrêt de longue durée. Parce que je ne peux plus travailler. Je ne me sens plus de travailler. Je n'y arrive plus. Oui, le deuxième anniversaire a été très compliqué. Au premier anniversaire, on s'est dit, ça y est, ça fait un an, on va commencer à pouvoir mettre ça derrière nous, à regarder devant. Et en fait, au deuxième anniversaire, on s'est rendu compte que ça nous suivrait toujours et que ça partirait pas. Vous avez vécu cette soirée ensemble, vous l'avez vécu de la même façon, ce choc, ce traumatisme? Non, on ne l'a pas vécu pareil parce que je suivais Nico. C'est lui qui m'a dit « baisse-toi ». C'est lui qui a dit « allez, on vient, on bouge ». Je suivais. J'étais totalement passive, quoi. Dans les décisions, j'étais passive. Moi, je sais que, effectivement, sur le moment, j'étais dans un mode survie. On réfléchit à ce qui peut nous sauver, à ce qui serait intelligent de faire, puisqu'on a grimpé à travers le faux plafond, donc il a fallu s'entraider. Et ensuite, une fois qu'on était dans les combles, effectivement, on était cachés. On entendait tout ce qui se passait dans le Bataclan, mais nous, on était cachés. Donc le but, c'était de rester un maximum sans faire de bruit, sans bouger, pour survivre. Donc la BRI nous a trouvés difficilement, parce qu'on était très bien cachés. Je ne sais pas si je dois dire en détail notre sortie, mais... En gros, la BRI m'a guidée. On m'a dit un peu trop tard, attention, vous mettez les mains. C'était en fait là où, c'était dans le couloir où il y avait eu la prise d'otage. Bah, j'ai mis les mains là où il ne fallait pas. Je me souviens encore des deux personnes que j'ai vues au sol. Je les verrai toute ma vie. Donc on est sortis difficilement du Bataclan. Il y avait du sang partout dehors, des éclats de verre. Il y avait donc un commissaire de police qui nous a demandé si on avait vu les assaillants. On ne nous a pas demandé d'avoir une cellule psychologique ou quoi que ce soit, un psychiatre. On ne nous a pas demandé d'aide, si on voulait de l'aide en tout cas. Donc nous, ben, on est partis. Donc on a eu entre-temps nos parents, le père de ma fille qui l'a gardée ce week-end-là. On a eu la sœur de Nicolas. Nico m'a dit... que je nous avais sauvé la vie. Alors, j'ai pas compris. Et en fait, en arrivant au Bataclan au début, avant le concert, il voulait aller dans la fosse. J'ai dit non, je suis fatiguée. J'ai envie de m'asseoir. C'était vendredi, il y a eu le boulot. Et on a pris le balcon, et toujours à la droite. On est parti vers la droite. Et oui, quand on voyait le massacre qu'il y a eu dans la fosse, c'est du côté gauche de la salle, oui, on... Je me suis rendu compte qu'en effet, j'avais finalement eu raison d'être un peu mamie ce soir-là. Donc on est arrivé au parking ensuite. Je ne sais plus où est-ce que c'était. Et on a rencontré un couple. Et on était plein de poussière, de laine de verre dans les cheveux parce qu'on a dû traverser le faux plafond. Et ils avaient l'air d'être choqués, ces gens-là. Et la dame était du domaine médical et elle m'a dit... qu'il fallait tout de suite voir quelqu'un pour en parler. Cette dame-là, je lui ai fait un câlin parce que j'avais besoin de ça. C'était une inconnue et je voulais lui dire que bah voilà, malgré tout ça, on aime les gens, quoi. Enfin, on a toujours foi en l'humanité finalement. Et puis on est rentré. Nico était au volant. Il est vite sorti de Paris parce qu'on avait peur. On a pris l'autoroute. On est arrivé rapidement à la maison. Il y avait les parents de Nicolas qui gardaient notre petit garçon. Il avait 3 ans et demi, et on est allé lui faire un câlin, et puis après on a parlé avec ma belle-famille, les parents de Nicolas. Voilà notre retour. Qu'est-ce qui se passe le lendemain matin quand on se réveille? La vie a changé, ça ne sera plus jamais comme avant. Le premier jour, on est KO, comme un boxeur qui vient de se prendre un uppercut. Donc on ne réalise pas encore ce qui vient de se passer. Alors on est très entouré parce que tout le week-end, il y a des gens qui se relaient chez nous, des amis qui viennent voir comment on va, qui nous préparent à manger. On a des gens du village qui viennent nous voir. Et c'est au bout de quelques semaines qu'on commence vraiment à réaliser ce qui vient de se passer. Je me souviens, la première visite qu'on a eue, c'est le matin. C'est mon amie marocaine de confession musulmane et qui vient, frappe à la porte et qui s'excuse. Et je lui dis de quoi ? S'excuser de quoi ? Je lui dis que ces gars-là n'étaient pas humains. Donc je lui dis qu'elle n'a pas à s'excuser. Mais elle s'excuse, elle est en pleurs, elle ne comprend pas elle-même qu'on puisse être parler au nom de son Dieu et faire ça. Donc c'est la chose qui m'a le plus marquée ce samedi matin, parce que c'était le matin qu'elle est venue. Et ce samedi après-midi, il y a la police qui appelle, la police de Paris, qui appelle pour que l'on vienne faire une déposition, qu'on aille sur Paris. Et là, je me souviens avoir pété les plombs. Nico a pris le téléphone et j'ai crié. J'ai dit non, mais ils nous ont laissés comme des merdes la veille et ils veulent qu'on revienne là. Donc j'ai dit non. C'est hors de question qu'on aille sur Paris. Non, on n'y retourne pas. On n'y retournera plus jamais. Est-ce que vous vous dites ensemble, tous les deux, qu'il va falloir consulter ou aller voir quelqu'un, ou est-ce que vous vous dites bon bah on va s'en sortir tout seul? Moi, j'avais déjà un psychiatre. C'était des problèmes personnels. Et le samedi, en fait, il nous a reçus tout de suite. Moi, j'ai très vite compris dès la nuit du 13 au 14 que j'allais avoir besoin de soins, puisqu'en fait, j'ai passé les 2 ou 3 heures où on a pu dormir. Dès que je fermais les yeux, j'avais en boucle dans ma tête ce qui venait de se passer. Alors, sur Évreux, bien sûr, il n'y avait aucune structure de mise en place. Hein. Les structures étaient sur Paris et on ne voulait pas retourner sur Paris. Donc en fait, on s'est fait un peu nous-mêmes, on s'est monté notre cellule de crise, c'est-à-dire qu'on a trouvé un psychiatre et puis on a trouvé un psychothérapeute qui nous suivent encore très régulièrement. Donc oui, l'aide psychologique et psychiatrique, elle a été indispensable et elle l'est toujours. Alors j'imagine qu'il y a eu un avant, un après, il y a des choses qui ont considérablement changé dans votre existence au quotidien, dans votre façon de voir la vie, dans votre façon de voir les choses. Oui, dans notre façon de voir la vie, je pense que ce soir-là, on s'est rendu compte de ce qu'il y avait de pire et de meilleur dans l'humanité. Le pire, on l'a vu et on le prend en pleine face, surtout quand on habite un pays comme la France où on n'est pas censé vivre ce genre de choses, on le prend en pleine face. En effet, comme l'a dit Nico, il y a le pire de ce que peut faire l'être humain. Et donc, il y a le meilleur. Moi-même, je l'ai vécu le meilleur dans le sens où je n'arrivais pas à grimper dans le faux plafond parce que j'avais des chaussures qui glissaient, parce que je suis en surpoids et qu'il fallait que je monte 2,50 m sans appui. Et j'ai dit à tout le monde, non mais passez, je reste derrière, passez avant moi, je m'en sortirai, je pouvais me sacrifier pour eux. Et tout le monde m'a dit « Non, non, tu vas y arriver, tu montes. » Je me souviens que ce 13 au matin, ma fille qui avait presque 10 ans à l'époque, commençait déjà sa pré-crise d'adolescence et je m'étais pris un peu le bec avec elle. Et je suis partie fâchée ce 13. Et depuis ce jour-là, je quitte pas quelqu'un fâché. Je limite au maximum le conflit. Avec Nicolas, de toute façon, on ne supporte plus le conflit. Mais paradoxalement, avec mes enfants, j'ai du mal à être câline. Alors qu'avant, j'étais beaucoup. Parfois, j'arrive à donner des câlins, à leur faire des bisous. Mais c'est plus comme avant. Parce que je ne supporte plus le contact, en fait. J'arrive pas, des fois, ma fille qui vient et qui me demande un câlin, c'est une corvée. Mon fils qui me demande un câlin avant de se coucher, donc je lui en fais un. Puis il m'en demande un, je dis non, c'est bon, t'en as eu un. Alors, entre vous, comment ça se passe? Parce que beaucoup de couples n'ont pas résisté à ce qui s'est passé le 13 novembre. Beaucoup de couples n'ont pas réussi. Vous, comment vous arrivez à surmonter tout ça? Ah, on le surmonte tant bien que mal. Bon, on s'est marié l'année dernière, donc c'est que ça marche encore plutôt bien. La vie quotidienne n'est pas facile parce qu'on a chacun nos problèmes psychologiques, psychiatriques. Ça nous arrive tous les deux d'être un peu au fond du trou, et quand on est tous les deux ensemble, en même temps au fond du trou, c'est compliqué. Mais voilà, on a ce lien qui s'est renforcé ce soir-là. et on est là l'un pour l'autre. Et c'est ce qui compte. C'est vrai que notre couple, il est indestructible. Même si j'ai du mal à être tactile, à être une femme pour mon mari, comme lui, il a du mal à être un mari pour sa femme. On sait que c'est pas ça qui nous aura, qui fait qu'on on se séparera pas à cause de ça, parce qu'on a vécu tellement de choses que. Quand vous dites que parfois vous êtes au fond du trou, ça veut dire quoi comment vous vous sentez? Ça veut dire que vous êtes incapable de vous lever le matin comment ça se passe? Envie suicidaire. Je sais que moi, c'est comme ça que je réagis à ça, c'est que j'ai envie d'en finir. Mais j'ai tenté. Mais au dernier moment, tu te dis non, t'as des enfants, t'as un mari. On pourrait penser que, après avoir vécu cette expérience cathartique, il y a cette envie irrépressible de vivre. Comment vous expliquez que vous ayez parfois envie d'en finir? La réponse à cette question, pourquoi j'ai envie de mourir, c'est parce que je me pose la question, pourquoi moi je suis en vie? Pourquoi moi je suis là et pas eux? Pourquoi moi qui suis une femme simple dans une petite bourgade de campagne, moi j'ai. Pourquoi mon fil de la vie n'a pas été coupé ce jour-là? Et je me sens pas à la hauteur d'être représentante des vivants. Il y a eu tellement de morts ce soir-là et ça s'est joué à rien. Pour qu'on soit là aujourd'hui. Et c'est toujours difficile à gérer. C'est pour ça que j'ai envie des fois de partir. Parce que je me dis, moi, je ne mérite pas plus qu'une autre personne à être vivante. Donc autant être au même niveau que ceux qui sont partis. Je ne suis pas du tout dans les pensées religion et tout. Dieu a voulu que. Non, j'y crois pas du tout. Mais je me dis, il y a quand même peut-être une raison pour laquelle je suis là. Et c'est là que je me dis, bah non, tu restes. Pas que pour tes enfants, mais aussi pour ceux qui sont morts ce soir-là, ce serait un manque de respect pour eux. Parce qu'ils aimeraient bien être à ta place. Donc je me dis non, c'est pas. Je peux pas être dans cet état d'esprit. Mais bon, voilà, ça revient. C'est récurrent, c'est cyclique, chronique, ça revient. C'est vraiment. C'est très abstrait, c'est très obscur. J'ai toujours pas la réponse et j'espère un jour guérir de ça, cette culpabilité. Ça s'estompe, mais c'est toujours là. Présenter, waouh, Fred De Wild, auteur de BD, rescapé du Bataclan, illustrateur, auteur. On dit quoi? On dit survivant ou rescapé? Quand on est survivant, ça veut dire vraiment qu'on vient de sortir de là. Et victime, ça signifie qu'on a accepté le statut de victime, donc qu'il nous est arrivé quelque chose. Et rescapé, c'est qu'on a réussi à mettre ça derrière, ou du moins suffisamment derrière pour pouvoir se voir une lumière possible au bout de tout ça. Alors vous êtes auteur de BD, vous l'avez dit, vous avez publié Mon Bataclan, puis La Morsure, puis bientôt La Mort et moi. C'est important de coucher toutes ces images sur du papier, c'était important de faire toutes ces bandes dessinées. Ouais, pour moi c'est un moyen cathartique. Avant la mort et moi, qui est le projet sur lequel je suis sur un projet où on cherche un éditeur qui s'appelle Dessine-moi un trauma. Je continue d'avoir des idées morbides ou des images morbides qui apparaissent. Je me suis dit que les dessiner me ferait quand même pas mal de bien. Donc oui, c'est pour moi de toute façon viscéralement nécessaire. Et c'était il y a 4 ans, on n'en sort jamais de cet événement traumatique. Il paraît que si. La grosse difficulté, c'est pas de survivre, c'est de vivre avec. Même si je pense être sorti des envies de mort, je sais que je dois surveiller ça. Je suis toujours sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. Donc on se découvre, on découvre ce qu'on est, on se fait horreur, on s'énerve nous-mêmes, on se fait pitié aussi. Pourquoi vous vous regardez aussi négativement? Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé? Non, mais ce n'est pas un problème de responsabilité, c'est un problème de conséquence. Depuis le 13, ma vie a basculé entre l'horreur, la dépression, la perte du boulot, la séparation avec la mère de ma fille, notre couple n'ayant pas tenu au trauma. Vous étiez tous les deux au Bataclan ? Non, mais elle était à la maison à s'occuper de notre fille. Tranquillement à l'apéro, en allumant la radio, elle a découvert que son mari était peut-être déjà mort. Me connaissant en plus avec ma taille, c'était tout à fait possible que je sois dans les premiers touchés. Elle m'a retrouvé à 5h, 5h15 du matin. Donc ça fait 7 heures d'angoisse quant à savoir si on va retrouver son mari ou pas. Alors qu'est-ce qui n'a pas pu être surmontable entre vous ? Ben c'est simplement que les manières de supporter ou de résister au trauma sont pour chaque personne différentes. Moi, je n'ai pas réussi à endormir pendant 3 ans. Le seul truc que je fais qui me fait à peu près envie, c'est dessiner. Si je loupe une machine, 2 machines, 3 machines, c'est pas bien grave. Si je fais pas la vaisselle aujourd'hui, c'est pas bien grave. Si je lave pas par terre aujourd'hui, c'est pas bien grave. Le principal, c'est de savoir si j'ai fini mon dessin. Je peux ne pas me coucher pour dessiner, je peux rêver de mon dessin. Je reste malgré tout avec le Bataclan du réveil au soir. Je pense pas que ce soit facile à vivre pour quelqu'un en règle générale, et pour quelqu'un qui porte son propre trauma lié à ça, encore moins. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout le même Fred d'avant le 13 ? C'est entre le fantôme et le même puissance 10 sur certains points. Le fait d'avoir conscience que la vie peut s'arrêter d'une manière aussi stupide, aussi brutale, aussi immédiate, sans qu'on le décide, a quelque chose de dramatique et totalement effrayant. Dans mes réflexions, il a fallu que je comprenne pour me sortir, j'espère, de la dépression, que ma mort m'appartenait autant que ma vie. Alors ça effraie un copain à qui je dis ça parce qu'il considère que ça veut dire que j'ai le droit de me donner la mort. Je lui dis oui, mais il faut que je considère avoir le droit de me donner la mort pour pouvoir me dire que j'ai aussi le droit de vivre. Ça pousse très très loin intellectuellement parlant. Plein de gens qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vécu des choses similaires, ont beaucoup de mal à aborder nos raisonnements. Je ne peux pas leur en vouloir, ils ne sont pas dans ces préoccupations-là. Nous, on a été projetés dedans sans avoir du tout le choix. Mais c'est forcément extrêmement violent pour l'autre. On est un peu... C'est une phrase, ça me faisait assez drôle, dans The Walking Dead. Les morts vivants, c'est nous. Et en fait, on n'est pas complètement mort, mais on n'est surtout pas complètement vivant. Je me présente, je m'appelle Catherine Bertrand, j'ai 39 ans, je suis parisienne et j'étais au Bataclan. J'ai fait une bande dessinée sur le stress post-traumatique. Alors je demandais à Fred comment vous qualifiez, survivante, victime, rescapée. Alors effectivement au début je m'identifie en tant que survivante. C'est vrai qu'avec le temps on a plus tendance à parler de rescapée. C'est peut-être moins choquant aussi quand on parle de rescapée. Rescapée, ça passe mieux dans la conversation. Parce qu'il faut protéger ses interlocuteurs. Oui, enfin, je pense qu'inconsciemment doit y avoir de ça. Déjà, un, les gens ils ont compris que c'était très choquant. Et deux, avec le temps, les gens sont un peu passés à autre chose. Donc j'ai pas envie de les choquer de trop non plus avec attention, tu te souviens, mais j'ai failli crever quoi. Donc rescapé, c'est vrai que ça passe un message fort tout en évitant d'appeler à l'émotion en fait. Oui et non, je suis relativement cash avec les gens. Nos préoccupations du matin au soir sont comment vivre. Donc à partir de là, ça change obligatoirement votre raisonnement. Bah, si ça fait le tri, ça fait le tri. Les gens qui resteront seront ceux qui sont capables de gérer ça. Et donc des gens qui seront capables de nous faire du bien. Oui, non, mais c'est vrai. Effectivement, il y a des amis qui se sont éloignés parce que c'était trop compliqué pour eux. Mais je repense à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le mot rescapé, c'est pour protéger les autres, mais c'est aussi pour me protéger moi, je crois. Parce que j'ai pas non plus envie de faire appel à ma propre émotion. Je pense que peut-être que je m'auto-censure en essayant justement de pas faire monter les larmes, parce que voilà, c'est pas constructif. Les larmes, l'émotion, tout ça, je le fais chez moi quand je suis toute seule en général. J'essaye de pas répandre ma tristesse autour de moi. Donc c'est aussi pour ça que je parle de rescapé. Chacun a sa manière de faire. Dans une semaine, Catherine dira peut-être quelque chose de différent, et moi aussi. Parce qu'on fluctue en fonction de nos envies. Quand elle a sorti son livre la première fois, c'était à compte d'auteur. On s'est vu dans ce même café, et elle m'a dit, de toute façon, je vais le sortir moi-même. Si aucun éditeur ne veut de moi, je le sortirai moi-même. Moi, ça me faisait halluciner. Elle était battante à un point incroyable. Mais il y a eu des modulations, et on est tous en modulation dans nos envies, dans nos manières de réagir depuis ça. Parce que on se réveille un matin avec une image absolument infâme qu'on a du mal à supporter, et on peut se coucher le soir avec la joie de vivre. Alors effectivement, vous avez publié Chronique d'une survivante. C'était important de transposer ces images que vous aviez certainement dans la tête, de les imprimer sur du papier. Alors c'était plus que important, c'était vital. D'expliquer aux gens, voilà pourquoi je suis pas bien, je ne connais pas le stress post-traumatique, je le découvre comme vous, donc je vous explique par le dessin ce qui se passe dans ma tête pour que vous puissiez comprendre, parce que je n'ai pas l'énergie de vous expliquer oralement. Pour moi, c'était vital pour me reconnecter à la société, pour éviter l'isolement, pour que les gens comprennent que les blessures ne sont pas que physiques. Et malheureusement, en France, on est encore beaucoup sur l'aspect, sur le paraître. Le fait d'aller mal, c'est tabou. Moi, il y a un truc qui m'étonne. On a l'impression d'être en 1914. Tous ceux qui ne sont pas blessés, tous ceux qui n'ont pas la gueule cassée, on les renvoie au front parce que à l'époque, on considère que les blessures psychologiques, ça n'existe pas. Et en 2019, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un syndrome post-traumatique ou une souffrance post-traumatique. Je pense que c'est aussi lié à notre passé. C'est, par exemple, je vois comment ça se passe aux États-Unis. Tout le monde est au courant de ce que c'est le stress post-traumatique. Vous regardez plein de films américains, ils en parlent souvent. C'est intégré chez eux. En France, on a beaucoup de travail encore à faire là-dessus. Les militaires qui reviennent de guerre, ils sont un peu isolés, on les entend pas parler, c'est assez tabou. Des policiers ou des pompiers qui sont censés avoir une image forte d'eux, ils souffrent en silence parce que ça se fait. Il faut être fort. C'est vraiment tabou d'aller mal en France. Donc moi, je veux dénoncer ça. Oui, je vais même aller plus loin. C'est à mon sens un problème de santé publique auquel on va se confronter. Je crains, mais vraiment très très fort. Pour les années qui vont venir, le 5e anniversaire, pour moi, va être vraiment extrêmement difficile à passer pour beaucoup de gens. Je crains qu'on ait un nombre de taux de suicide important au sein des survivants. Le seul réel point que l'on a eu jusqu'à présent, c'était les 100% sécu. Sauf que 100% sécu, ça ne veut pas dire que vous allez voir quelqu'un. Ça ne veut pas dire que vous êtes accompagné pour aller voir quelqu'un. Ça veut dire que vous êtes autorisé à aller voir quelqu'un et être pris en charge sans ne rien débourser. Alors déjà, il faut trouver quelqu'un qui accepte ce 100%, ce qui n'est pas forcément une évidence. Et ça ne veut pas dire que tous les suivis sont pris en charge. Si vous faites des choses qui ne sont pas conventionnées ou par des gens qui ne sont pas conventionnés, ça n'est pas pris en charge. Sauf que là, on parle de vie ou de mort. On parle de gens qui sont dans une situation psychique telle que la mort est une éventualité. Alors on est pris en charge par le fonds de garantie, c'est super, on a eu une provision, c'est super, sauf que ça fait 4 ans. Tous ceux qui se retrouvent dans une situation sociale suite à ça catastrophique sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc vraiment, pour moi, comme vous disiez tout à l'heure, c'est 14-18, on rentre chez nous, et puis maintenant on a la possibilité de se faire aider. Mais comment? Par qui? C'est à nous de trouver. C'est le parcours du combattant. On reçoit des papiers, on n'y comprend rien, on est seul. Moi, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance même d'être pris en charge par une association dès le début qui s'appelle Paris Aide aux Victimes. Donc j'ai pu voir une psychologue assez rapidement. Sauf que voilà, ça a ses limites. Il y avait énormément de gens, donc ils ont été complètement débordés. Ils savaient pas où nous caser. Et puis après, au bout d'un an, excusez-moi, mais là c'est plus possible. On n'a plus de budget, donc il va falloir que vous trouviez un autre psychologue. Et là, c'est l'abandon total. Donc on était en train de construire quelque chose avec ces psychologues. Et puis on se dit, ça y est, enfin je suis pris en charge, ça va bien se passer, c'est fragile mais on va dans la bonne direction. Et puis du jour au lendemain, il y a tout qui tombe. Et c'est là que c'est dangereux, c'est là que les rescapés ont envie de se suicider. À mon sens, la seule aide indéfectible que l'on ait eue, c'est Life for Paris. C'est-à-dire c'est nous, c'est les survivants entre eux. On pourra tous remercier pendant 150 ans Maureen Roussel d'avoir eu cette idée géniale de connecter ensemble les survivants, parce que quelle que soit l'heure de la nuit, même maintenant, il y a au moins un survivant qui est connecté. Et si quelqu'un appelle à l'aide, il y a toujours une réponse qui se fait. Et puis on parle avec quelqu'un avec qui on sait qu'on peut absolument tout dire. Et cette aide-là, la puissance de cette aide-là, l'État ne nous l'a pas donné. Alors, moi, comment dire, j'ai pu bénéficier. C'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. Là, il y a eu, exceptionnellement, il y a eu une prise en charge des psychologues par la Sécurité sociale pendant 2 ans à partir de la première séance. C'est une séance de 50 euros. Donc déjà, les psychologues, c'est plus cher que 50 euros, surtout sur Paris, mais on va dire que c'est déjà ça. C'est vrai que les psychologues de base ne sont pas remboursés. Donc on a eu des remboursements de séances de psychologie en attendant d'être consolidés par le fonds de garantie. Sauf que parfois, on se retrouve dans des situations complètement ubuesques. Moi, je ne suis pas encore officiellement consolidée. Ça veut dire quoi, consolidée ? Alors, consolidée pour eux, ça veut dire que notre état n'empire pas. Il se stabilise. Moi, ça fait plus de 2 ans. Et je suis toujours pas consolidée, parce que une fois qu'on est consolidé, on peut être pris en charge par d'autres organismes, notamment l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants. Sauf que pour l'instant, ce n'est pas possible parce que je ne suis pas consolidée. Et pourtant, j'ai déjà utilisé mes 2 ans de prise en charge de psychologie. Donc maintenant, je paye de ma poche mes séances de psychologie pour parler de ma survie à mon psychologue. Donc ça fait vraiment rager ma psychologue, mais pour l'instant, il n'y a pas le choix. Personne ne veut me les rembourser pour l'instant. J'ai demandé une dérogation au gouvernement et on m'a dit, déjà de base, les séances de psychologue, c'est pas remboursé par la Sécu, donc on a déjà été sympa de vous rembourser pendant 2 ans, donc ça, c'est bon quoi. Merci, au revoir. Ça a été d'une violence, pareil, sentiment d'abandon, les gens me lâchent, l'État me lâche, l'État ne m'avait pas protégée ce soir-là, ça fait quand même pas mal. Donc ça s'accumule et c'est une souffrance terrible, terrible. On nous a proposé une médaille quand même. Ah oui, alors la médaille, ça va dépendre des gens, parce qu'il y a des gens pour qui c'est important, bien sûr. Personnellement, moi j'en ai pas besoin et je l'ai refusé parce que je suis pas un héros, j'ai rien gagné. Est-ce que j'ai gagné le droit de vivre? Je ne sais pas. Bref, pour moi, elle ne représente rien, cette médaille. Comment ça, on vous a proposé une médaille? Une médaille de reconnaissance, comme quoi l'État nous reconnaît en tant que victime de terrorisme ou quelque chose de ce genre-là. Alors désolée, je ne suis pas très très précise parce que je ne me suis pas vraiment intéressée au sujet. J'ai juste vu médaille, j'ai fait ok, d'accord. non merci. Pour moi, cette reconnaissance qui est censée être symbolique, pour moi, elle ne rime à rien du tout. Mais je sais que pour certaines victimes, c'est important. Là, c'est vraiment mon point de vue personnel là-dedans. Au niveau politique, on se sert de nous, on se sert des attaques comme d'une justification, par exemple, à la loi d'état d'urgence qui est rentrée dans notre constitution. Extraordinaire. Ça sert à quoi, la loi d'état d'urgence? Ah oui, c'est vrai, enfermer des gilets jaunes. on restreint d'un côté les libertés sous couvert de terrorisme, mais on n'est même pas capable de se donner les moyens d'aider correctement les victimes. Ça me fout, moi, dans une colère noire. Ceux qui réussissent à regarder les choses d'une manière à peu près paisible, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je suis sorti de là sans haine. Je suis sorti de là avec une énorme colère politique parce qu'on oublie qu'on a été visé pour des problèmes de pouvoir et des problèmes politiques, géopolitiques, j'ai envie de dire, voire économiques. Pendant que Lafarge payait, subventionné en partie sous couvert de raquettes Daesh, pendant qu'on vend des armes à des pays du Moyen-Orient qui soutiennent ouvertement le terrorisme, nous, on continue de crever de ces mêmes retours de bâton qu'on se prend dans la tête parce que c'est de la politique internationale. C'est pour ça que nous faisons nos commémorations à nous, qui ne sont pas face au Bataclan, qui ne sont pas sur les terrasses, qui sont à la mairie du 11e, pour pouvoir avoir notre truc entre nous, parce qu'il y a une forme de révolte par rapport à ça. Alors il y a des gens qui y vont quand même, hein, des gens de l'assaut et des assauts qui y vont. Je ne juge absolument pas. Je dis en grosse majorité, on se retrouve, nous, autour de la mairie, entre nous. Oui, franchement, cette année, c'est vraiment la première année où je me pose la question d'aller ou pas à cette cérémonie officielle. Tout simplement parce que je suis extrêmement en colère contre notre président Macron. Il dit tout et son contraire. Là, je l'ai grillé, entre guillemets. Il y a 2 ans, il a dit qu'il fallait malheureusement qu'on s'habitue au terrorisme. Donc déjà, ça, c'est pas passé du tout. Moi, ça m'a vraiment fait extrêmement réagir. Comme quoi, faut s'habituer, on n'a pas le choix. Comme si... on subissait. Non. Moi, je suis aussi dans la résistance et je ne veux pas entendre ce genre de discours. Donc, quand il dit, il y a 2 ans, il faut s'habituer au terrorisme et que là, avec ce qui s'est passé à la préfecture de Paris, il tweet, on ne peut pas s'habituer au terrorisme. Jamais, jamais, il ne faut s'habituer au terrorisme. Et là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il dit tout et son contraire. Et moi, ça me choque de voir comment il parle aux Français. Et moi, je suis française, donc quand il me dit ça et qu'il dit le contraire il y a 2 ans, j'ai l'impression qu'il se fout vraiment de ma tête. Donc pour ça, rien pour ça, je crois que je n'irai pas aux commémorations officielles cette année. Ah oui, parce qu'il y a le décorum, hein, y a donc ces commémorations officielles, mais comme vous le disiez tout à l'heure, les gens ont oublié, c'était il y a plus de 4 ans. Et finalement, ce qui est dur aussi, c'est à la fois une partie de vos amis oublie, une partie de votre entourage oublie, et la société oublie. Alors la société oublie plus ou moins, ça va dépendre de s'ils ont quelqu'un dans leur entourage, si quelqu'un qui a été concerné. Je pense surtout à Nice parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de victimes là-bas, donc à mon avis dans cette région ils n'ont pas oublié. À Strasbourg non plus, ils n'ont pas oublié. Après, il y a des endroits un peu reculés, oui, ils ont oublié. Et puis même à Paris, je pense qu'il y a une phase de déni où les gens ils disent allez. Ça m'a pas concerné. Je préfère retourner dans mon métro boulot dodo pour essayer de penser à autre chose. Et puis ça marche. Les gens, voilà. Je pense que c'est aussi une forme de protection. Donc effectivement, on se rend compte à quel point on est isolé. Mes amis et proches ne sont pas passés à autre chose parce que voilà, ils ont été aussi un peu traumatisés par ça. Sauf qu'ils n'en parlent pas. Ils attendent que j'en parle et. Puis quand on se voit, on n'a pas envie forcément d'en parler. Mais il y a des fois où j'ai envie de leur parler et je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je casse l'ambiance en parlant? On se marre tellement bien, ça serait dommage. Alors au début, ça m'énervait énormément. En fait, avec du recul, je suis devenue beaucoup plus tolérante. Parce que j'avais beaucoup de violence en moi, beaucoup d'agressivité. J'en voulais à tout le monde, j'en voulais à la terre entière. Là, je me suis beaucoup calmée. Je sais aussi qu'il y a des gens qui souffrent pour d'autres raisons. Je veux aussi laisser la place à mes amis. Venez à moi, parlez-moi de vos problèmes. J'en ai besoin, j'en ai envie. Parce que vous me parlez plus. Du coup, j'ai l'impression d'être pestiférée, quoi. bonjour. Voilà, je suis la maman de Caroline, qui a été otage au Bataclan pendant les attentats en 2015. Vous étiez en province, ici. Comment vous apprenez la chose? Comment vous avez passé cette soirée? Alors, je l'apprends par ma fille, qui me téléphone à 21h55 pour me dire « Maman, écoute... voilà, je fais un concert au Bataclan, il y a un mec qui tire dans la foule, j'arrive pas à joindre la police, appelle la police, demande-leur de les appeler. » Donc je lui dis oui, je raccroche, je respire un grand coup parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils me prennent pour une dingue. Et puis je leur explique la situation. Et puis entre-temps, sa sœur qui était chez nous se lève et on descend à la télé et on met une chaîne d'infos en boucle, quoi. Donc il était 22h à peu près et on est resté jusqu'à 1h du matin. De notre fille, on a eu deux fois des messages. Un qui disait « on est toujours dedans, on attend la police ». Et ensuite un qui a dit « arrêtez de nous faire sonner, j'ai plus de batterie » ou enfin bref, « on vous appelle quand on sort ». Et après, on était accrochés à notre poste de télé et on regardait les bandeaux, première fusillade, deuxième... Enfin, au début, ils ont parlé d'abord du Stade de France. Puis ensuite, ils ont parlé des terrasses et du Bataclan. Et les bandeaux qui disaient première fusillade, deuxième fusillade, troisième fusillade, 30 morts, 40 morts, enfin ça... Voilà. Donc on était trois, il y avait mon mari et ma fille. Et on avait un copain dans le village, je savais qu'il se couchait très tard. Et je lui ai mis un texto et... Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a dit non, pourquoi? Je lui ai dit, on va pas bien, Caro est au Bataclan. Et il est venu nous rejoindre. Ça fait 4 ans quand même. Hein. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Moi, personnellement, je me suis coupée en deux. Je suis restée d'ailleurs coupée en deux pendant des mois. Il y avait une partie de moi qui était complètement anesthésiée, qui avait tout coupé pour, je pense, ne pas le vivre trop. Et puis une partie de moi qui était avec ma fille. Par exemple, j'ai continué à travailler. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé aussi à tenir. Mais en fait, j'avais une moitié de moi qui travaillait et une moitié de moi qui était en permanence à Paris avec ma fille. Donc votre fille a fini par sortir du Bataclan. Racontez-moi la suite de... Alors, à 1h du matin, ils nous ont appelés pour dire qu'ils étaient sortis, elle et son compagnon. Moi, j'ai eu deux réactions simultanées. Ça a été forcément un immense soulagement et en même temps une énorme tristesse qui m'est montée en pensant à tous les parents qui n'auraient pas ce coup de fil-là ce soir et pour qui, eux, c'était terminé, quoi. Donc, c'était ma première réaction. Ensuite, nous, on devait partir le lendemain. On allait à un mariage où on a été parce que notre fils, lui, il y était et qu'il était tout seul et qu'il avait vécu ça tout seul. Donc, on voulait essayer de dormir. En fait, j'ai eu ma fille une grosse partie de la nuit au téléphone. Et en fait, après, j'ai pas reposé mon téléphone pendant plusieurs jours. Je l'avais avec moi nuit et jour. Pendant un jour ou deux, je disais à ma fille qu'il fallait qu'elle dorme parce qu'elle était épuisée. Et elle me disait, maman, je peux pas fermer les yeux, je peux pas fermer les yeux, c'est trop horrible. Donc en fait, elle pouvait plus fermer les yeux, sinon elle avait toutes les images, voilà. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec elle, à essayer de la soutenir, tant qu'elle pouvait avoir besoin à tout moment de se raccrocher à quelque chose. Voilà, et puis après... En fait, on lui a demandé si elle voulait qu'on vienne, mais elle habite dans le 11e, donc elle nous a dit que tout était bouclé, qu'on ne pourrait jamais arriver, que non, puis il fallait qu'elle aille à la cellule psychologique, enfin bref. Et puis le lundi matin, je l'ai rappelée, et là je m'en rappellerai tout le temps de sa petite voix. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On vient? Et là j'ai entendu, oui. Et avec sa sœur, on a dit, allez hop, on est monté dans un train et on est arrivé à Paris le lundi. Et là, c'était... Oh, wow, c'était... Paris, c'était phénoménal, quoi. C'était un immense silence. Et puis après, on est arrivé chez elle. Et là, elle nous a raconté. Elle me disait souvent, maman, il y a des choses, on ne peut pas les dire parce que les gens, ils peuvent pas. Enfin, ils ne nous comprendront jamais. Et il fallait bien que quelqu'un puisse l'écouter. Donc voilà, donc moi, j'ai écouté, j'ai entendu pendant des heures et des heures. Mais l'écouter au point que, à un moment donné, vous basculez dans. Enfin, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il y avait des fois où je croyais que j'y étais, moi, au Bataclan. Donc il a fallu que je fasse tout le travail aussi, moi, de discernement et de. c'était son histoire, c'était pas la mienne. Après, c'est très fort ce qui se passe. Moi, j'ai expliqué à des copines et à un médecin qu'en fait, il avait fallu que je réaccouche. Parce qu'en fait, ma fille, j'ai eu vraiment la sensation, et elle avait plus de 30 ans, que je l'ai remise dans mon ventre pour la protéger, quoi. On est rentré en fusion, quoi. Mais jusqu'au jour où vous vous dites, ok, c'est bien, tu l'as protégée, mais maintenant, il faut qu'elle reprenne le cours de sa vie, toi aussi, donc il faut refaire toute la remise en liberté, recouper le cordon, essayer de leur donner de l'autonomie, et voilà. Puis après, bon, après, il y a eu... Elle a créé l'association, la fameuse association, là, Ice for Paris. Et là, du coup, ça nous a mis dans autre chose. Parce que du coup, là, on est rentré dans une relation où, du coup, on les a aidés à monter leur assos, à créer les statuts, à tout ça. Donc, ça nous a permis de continuer à soutenir, mais sur autre chose. Moi, j'en suis sortie. Une des étapes assez bizarres, c'est que je savais qu'il y avait des enregistrements. Et Caro les connaissait. Genre un enregistrement de la salle quand il y a les coups de feu, enfin des choses comme ça. Et un jour, j'ai dit à Caro, faut que tu me balances tout là. Faut que j'entende, faut que je voie, que voilà. J'avais besoin d'aller m'y cogner une fois, quoi. Je sais pas, j'ai jamais su trop pourquoi. Il fallait que ça, peut-être, ça prenne de la réalité. Et c'est vrai que cette histoire de réalité, pour le coup, je l'ai revécue dans une autre étape qui m'a énormément servi. Caro me dit un jour, maman, tu sais, avec l'association, on va faire des... Alors, elle voulait pas que ça s'appelle des visites, mais enfin, c'était, entre guillemets, des visites du Bataclan. Et du coup, on y va. Et ça a été vraiment, pour moi, ça a été salvateur, parce que moi, je m'étais fait toute mon imagerie. Et en fait, de voir cette salle qui était vide, qui était calme, qui avait été un peu, beaucoup nettoyée, un peu refaite, maintenant, quand j'évoque le Bataclan, je peux aussi évoquer cette image-là. Et du coup, ça a calmé l'imaginaire, il tourne en boucle, il se raconte. Du coup, ça a mis du réel sur de l'irréel, quoi. Et puis après, j'ai été voir vite fait un psy, ça ne me convenait pas forcément. Et après, moi, j'ai fait tous mes trucs que je connais, que j'aime. Donc, j'ai fait un peu d'hypnose, j'ai fait du MDR, j'ai été faire du nettoyage, mais j'en fais encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la tête, elle va bien. La tête, elle a rangé, trié, classé. Et alors, le corps, mais chaque jour, je me rends compte que mon corps, lui, il est dépositaire encore de tout ça. Là, par exemple, je vous parle, mon ventre, c'est une boule toute dure. L'autre fois, il y a eu des hommages, c'était la mort de Chirac aux Invalides. Moi, quand je vois les Invalides aujourd'hui, c'est encore pas soigné, quoi. Ça me prend les tripes, quoi. Le président Hollande a organisé, je sais pas, une quinzaine ou trois semaines après, un hommage aux Invalides. On était, je sais pas combien de centaines, et on était tous ultra seuls. C'est pas un genre de lieu à aller demander aux gens « Alors, et vous ?» Donc, vous êtes là, enfermés dans votre bulle. Il n'y a que des bulles les unes à côté des autres. Il faisait un froid de gueux ce jour-là. Ils nous ont donné des polaires tellement il faisait froid. Il y a eu le nom des victimes décédées qui a été égrené dans un silence de mort. J'en ai encore la chair de poule. C'était un moment très fort. Je crois qu'il fallait qu'il ait lieu. Mais... Alors, d'un point de vue personnel, ça va beaucoup mieux. Heureusement. Et puis je crois que je vais mieux à la hauteur de comment va mieux ma fille et comment va mieux toute la famille. Après, il y a une autre chose qui se rajoute, c'est qu'il y a aussi tout un travail pour se redonner le droit au plaisir. Parce que quand votre enfant il est fracassé... C'est fort comme terme. Ouais, c'est ça, c'est bien l'image qui me vient. C'est comme s'il faut recoller tous les petits morceaux les uns après les autres pour... Ouais. Parce qu'ils sont fracassés dans leur corps, parce qu'ils n'ont pas été tués, mais il faut savoir qu'ils ont plein de problèmes de santé. Ils sont fracassés dans leur tête, parce qu'ils ont perdu leurs rêves. Ils ont perdu un petit peu leur foi en l'humanité. Comme elle l'explique très bien, ça serait tellement facile de se détacher en se disant « c'est des monstres, machin ». Elle dit « moi j'ai vu des jeunes de mon âge, habillés en jogging ». Ça vous renvoie quand même à quelque chose de la vie, de l'humanité, de la société qui est quand même super violente. Donc voilà, ils sont fracassés de tout ça. Alors 10 mois auparavant, il y a eu les attentats de Charlie. Alors, c'est à ce moment-là qu'un certain nombre de mesures sont prises. Vous vous souvenez de ce que vous avez pensé à ce moment-là, après les attentats de Charlie ? Je pense, alors franchement, j'ai pas de souvenir, mais je pense, me connaissant, que j'ai dû sûrement faire d'abord partie des gens qui se sont dit, ouais, encore une bonne occasion pour nous couper les ailes, les pattes et nous empêcher de faire des choses. Depuis que ma fille a été concernée, je veux dire, déjà, mon regard sur la police, il a bien changé, parce que quand même, j'étais quelqu'un, voilà, hein, oh, le policier, machin, voilà. Mais on a aussi beaucoup de gratitude pour les gens qui ont risqué leur vie. Mais je ne me rappelle pas exactement. En fait, ce qui est arrivé à ma fille, ça a balayé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je n'ai pas un souvenir très net de ce que j'ai pu penser à l'époque de Charlie. Parce que je reconnais honnêtement que là, je commence à me réintéresser un peu plus à ce qui se passe autour de moi. Mais que pendant, on va dire, 3 bonnes années, voire presque 4, je me suis coupée de tout. Dans ma voiture, c'est France Musique. Les infos, je les ai regardées le moins possible pour pouvoir tenir et insuffler à ma fille et à mes enfants une envie de vivre. Il faut que moi, je me coupe de ce qui peut me parasiter, m'encombrer, me rendre triste. Voilà quoi. Alors justement, comment on fait pour insuffler tout ça, sachant qu'après, bah, y a eu Nice, puis il y a eu d'autres attentats. On peut se couper totalement de tout ça ? S'en couper totalement, non. Après, moi, j'ai coupé, j'ai fermé un certain type d'empathie parce que je ne pouvais pas me mettre en empathie avec tous ces gens-là. J'ai mes limites de pauvre petit être humain et à un moment donné, trop, c'est trop. Et j'avais une priorité, c'était ma fille et ma famille. Et je me suis autorisée à le faire parce que voilà, je pense que le reste du temps, je donne assez. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça ta priorité. Toute notre famille, elle a été traversée. Notre couple, il a été traversé. Moi, j'ai pu tenir debout grâce à mes copines. À cette occasion-là, s'est constitué un groupe de copines autour de moi qui ont été et qui sont encore. Enfin, elles étaient là, quoi. Et elles m'ont écoutée. Et franchement, il y a des fois, oh, elles ont dû vraiment devoir faire preuve de patience parce que j'ai dû être un peu lourde et longue, quoi, hein, sur blablabla et ma fille, voilà. Mais elles ont été là. Et c'est elles qui m'ont permis de tenir debout. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Merci à Émilie et Nicolas, à Fred Deville et Catherine Bertrand et Caroline Langlade. Merci également à Cécile Bobille, Arthur Desnouveaux et Alexis Lebrun de l'association de victimes Life for Paris. Hey you, don't help them to bury the light. C'était Vivre avec le terrorisme, les mots des survivants. Coordination Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. Mixage Alain Joubert. Réalisation Séverine Cassard. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série documentaire. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter Place de la République, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, s'associer pour revivre.